nous assure de Samuel, c'est sûr que regarde, demain matin on embarque, écoute, c'est sûr que ça se revend encore. Il faudrait peut-être polir un peu peut-être notre technique là de vente ou s'assurer vraiment pour que ça soit peut-être plus accessible à tout le monde, parce qu'on a favorisé nous autres les jeunes puis les parents du hockey mineur. Ouais. Ça a été correct là, moralement, nous autres, c'était ça qu'on devait faire puis qu'on a fait. Mais écoute, c'est sûr que demain matin on embarque là-dedans, puis on a les yeux fermés, puis c'est encore une réussite. Maintenant, le golfeur Pierre-Alexandre Bédard a joué 72 hier lors du championnat canadien de golf amateur qui se déroule à Ottawa. Il est présentement 27e, donc il a pu éviter la coupure. Maintenant, on va parler, hier également, on a parlé avec la patineuse de vitesse de Saint-Félicien, Catherine Maillot. Catherine Maillot qui actuellement s'entraîne en vue de la prochaine saison. Elle mentionne que son entraînement va très, très bien. Honnêtement, ça va très bien. Okay. Depuis le début de l'été, on est vraiment, comme l'été passé, on est vraiment refocusé sur la technique, les aspects techniques de tous les mouvements. J'ai repris où est-ce que j'en avais terminé l'année passée en fin de saison. Ça va très, très, très, très bien. En ce moment, on est plus, on commence à faire de la PAM, puissance aérobie maximale. On commence à hausser vraiment la vitesse. Aussi un petit peu la difficulté, si on veut, au niveau physique de l'entraînement pour, dans le fond, en préparation pour la première compétition qui est très tôt cette année, qui est en fin septembre. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu devancé les trucs, mais la technique reste vraiment un focus. Le plus gros des focus reste toujours sur la technique. Puis, on a embarqué aussi les côtés tactiques, donc... On sait que Catherine Maillot, l'an passé, a trimé dur. Elle a travaillé fort pour rebâtir sa confiance et apprendre de nouvelles techniques. Et ça commence à payer beaucoup, selon la jeune patineuse. Oh, okay. C'est clair. Là, puis la saison dernière, tout le long de la saison, plus la saison avançait, plus ça allait bien. Non, parfois, plus la saison avance, plus on est encore plus fatigué, plus on est... On est plus un petit peu, on a hâte que ça finisse des fois quand ça va pas trop bien, mais vraiment, ça a été tout le contraire. Là. Plus la saison avançait, plus je comprenais plus ce que je faisais. Je commençais à me mettre vraiment, vraiment, vraiment dans le mot de patiner avec une technique plus idéale que je patinais avant en compétition. Vraiment, en situation de course, de penser à ma technique. Vers la fin de l'année, ça a vraiment payé. Ça a commencé à payer. Puis là, évidemment, c'est jamais parfait. Donc, j'ai vraiment repris dès le premier entraînement, dès l'été, j'ai vraiment repris où ce que j'en avais laissé pour que la progression continue. Puis ça va très bien. Au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. Ça achève. C'est la dernière semaine d'activité. D'abord, dans la U14, Roberval a gagné 6-2 sur Saint-Ambroise. Également, dans la U14 masculin, victoire du FC de Saint-Félicien 5-1 sur le Mistral, et dans la catégorie U12 féminin, l'attaque de Saint-Prime et Saint-Bruno se sont livrés un verdict nul de 3-3. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec Catherine Maillot de Saint-Félicien. On a parlé également au maire de Roberval, Guy Larouche, pour parler du projet de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque. Et également, je me suis entretenu avec le président du hockey mineur, Hugo Maltin. C'est pour la Canadienne régionale. À danradiosport.com, on s'en occupe.